Moi, je me suis demandé pendant des années pourquoi ce film avait un nom allemand, Die Hard. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Oui, bonjour, c'est Antonio. Alors, je vous appelle par rapport à l'émission concernant Lost. Vous avez un peu évoqué tout l'aspect mythologique, voire religieux de cette série, et vous auriez dû évoquer, je trouve, l'auteur Paco Mielman, qui a écrit de très beaux livres sur le sujet, qui a fait une vraie exégèse sur Lost. Sympa la petite émission ce matin sur Dayard, enfin plutôt sur Piège de Cristal, puisque pour moi ce film s'appellera toujours Piège de Cristal, titre super cool. Ça m'a fait penser, ça ferait une bonne émission que de parler des doubleurs et doubleuses des années 80-90 des films américains. Vous en avez un petit peu parlé ce matin, moi ça m'a fait penser à un nom, Richard Darbois, la voix la plus cool du monde. Sinon, dans un tout autre sujet, moi je suis l'émission sur podcast et c'est formidable, je la suis beaucoup en voiture. Simplement, l'image de Frédéric Sigrist qui illustre le podcast est assez effrayante, il a un regard assez fixe qui, j'espère, ne me causera pas un accident de voiture. Voilà, c'était tout. Merci, merci, merci mille fois d'avoir enfin fait une émission sur Tim Burton. Je suis tombée amoureuse de Tim Burton quand j'avais 11 ans parce que ma prof d'anglais a eu la brillante idée de nous emmener au cinéma voir L'étrange Noël de Monsieur Jack en VO sous-titré. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de Tim Burton ce jour-là. Donc merci encore, salut. To be or not to be, not to be. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Enfin, dans mes années 80, moi, les mecs rentraient surtout en t-shirt Waikiki, avec une banane autour de la taille. De temps en temps, tu pouvais même voir un gars avec un mousqueton tenant ses clés accroché à sa ceinture, des Reebok pump aux pieds, Reebok si t'étais riche bien entendu, sinon t'avais des filas. Les coupes de cheveux ressemblaient à des pièces montées, le mulet ou la nuque longue n'était pas encore un fashion faux pas. Tu portais des poignées de tennis, même si tu n'avais jamais tenu une raquette de ta vie. T'avais des gourmettes, des colliers plaqués or portés sur des chemises ouvertes. Je me souviens que mon père avait un siège à boule dans sa Renault 18 Turbo, une peau de lapin qui recouvrait le volant, avec une reproduction de l'île de la Guadeloupe accrochée au rétroviseur. À la télé, t'avais droit à Interville et Bernard Tapie venait faire du sport en short et Marcel avec Véronique et Davina. Les enfants regardaient Créa 2 ou Croque Vacances. À l'époque, c'était Maya l'abeille et Spectroman qui faisaient le buzz. Sincèrement, on était très loin d'être glamour. Si on m'avait dit qu'avec le temps, cette période serait regardée avec nostalgie et même reproduite sur petit et grand écran, j'aurais pas cru. Il faut croire que c'est peut-être ça, vieillir. Voir une époque dont on a un peu honte redevenir tendance. Voir son mauvais goût d'antan revenir à la mode. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Le plan de l'ombre est une dimension qui n'est que le reflet obscur ou l'écho de notre monde. C'est un endroit de perdition et de mort. Ouais. Un plan hors du temps, un lieu habité par des monstres. Une autre dimension. Mais comment on la rejoint? En traversant les ombres. Dans la vraie vie, triple buse, on sait peut-être pas comment faire, mais... Elle sait peut-être, elle. Tu sais comment y aller? Dans le monde à l'envers. Depuis 2016, une série Netflix se replonge dans l'esthétique des années 80 en y apportant un point de vue et des thématiques propres au 21e siècle. Son nom, Stranger Things. Pas encore à proprement parler un blockbuster, seul le temps le dira, même si elle jouit d'un succès considérable, Stranger Things puise dans un univers cinématographique totalement blockbuster. Rencontre du troisième type ou E.T. de Spielberg, The Thing de John Carpenter ou encore les Goonies sont tant de blockbusters que l'on retrouve dans l'ADN de Stranger Things. À l'occasion de la diffusion de la troisième saison que l'on ne divulgage, c'est difficile, on ne spoilera pas, qu'on ne divulgagera pas, hein, ça, il va m'énerver ce mot, je pense que toute l'émission il va m'énerver, qu'on ne divulgagera pas, soyez rassurés, et du passage à Paris, d'une partie du casting de cette série, nous avons décidé à Blockbuster de parler de Stranger Things, cette série phénomène, et pour ce faire, j'ai à mes côtés Marie Turcan, bonjour. Hello. Alors vous êtes journaliste, critique série et rédactrice en chef du site Numérama. Ah oui, et prête à faire revenir la coupe mulet en 2019. Abstenez-vous s'il vous plaît, je vous en supplie. Avec nous également Captain Popcorn, bonjour. Hello. Attendez, il y a plein de gens, ils s'appellent vraiment Captain Popcorn. Il a évidemment un autre nom, mais on va l'appeler comme ça toute l'émission. Vous êtes spécialiste en pop culture et vous tenez la chaîne YouTube du même nom, donc Captain Popcorn. Exactement. Et enfin, celui qui est en train petit à petit de devenir mon co-animateur, hein, il va arriver ce moment gênant, il va commencer à me demander un salaire. Dedo, humoriste, auteur, comédien et co-créateur de la série L'Histoire racontée par des chaussettes que l'on peut retrouver sur YouTube et surtout un énorme fan et expert du cinéma fantastique de genre des années 80 et plus. Oui, j'ai enlevé mes pompes tellement je suis à l'aise là. Ensemble, on reviendra sur la création de Stranger Things par les frères Duffer, les inspirations de la série. On reviendra évidemment sur la fascination qu'exercent actuellement les années 80 sur l'industrie du divertissement. Nous entendrons les acteurs de Stranger Things que j'ai eu la chance de rencontrer lors de leur venue à Paris vendredi dernier. Et on parlera du cinéma fantastique et de SF des années 80, un cinéma porté par des grands noms tels que John Carpenter et George et Romero. Un cinéma souvent aussi politique qu'il n'était horrifique. Allez, en route vers le monde de l'étrange dans Blockbuster sur France Inter. Ça doit faire quoi ? Plus d'une heure que je vois. Je te présente mes excuses, ok ? Ça se voit pas que je suis à bout de nerfs. Calme-toi, pour un garçon de son âge, c'est classique de sécher les cours. T'en fais pas. Non, pas pour mon Will. Ça lui ressemble pas, il ne sécherait pas les cours. On peut jamais être sûr de rien, ma mère a toujours cru que je préparais des exposés alors que je me tapais Chrissy Carpenter dans une cabine. Bon, ça va, j'ai compris. Écoute, il n'est pas comme toi, Hopper. Il n'est pas comme moi, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Il a bien quelques amis, c'est sûr. Mais tu vois, les autres gamins, ils sont méchants, ils se moquent de lui, ils s'amusent à l'insulter, ils se moquent même de ses vêtements. Ses vêtements ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Mais je sais pas, ça a aucune importance. Peut-être bien. Écoute, c'est un garçon très émotif. Elonie, tu l'as vu quand pour la dernière fois ? Tu veux bien me donner son numéro ? Non, Hopper, je te dis qu'il a rien à voir là-dedans, fais-moi confiance. Joyce, dans 99% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille. Et tu en fais quoi de l'autre pourcent ? Quoi ? Il devient quoi ? Joyce, on est à Hawkins, ok ? Tu veux savoir la pire chose qui soit arrivée en 4 ans depuis que je suis en poste ? Tu veux savoir ? C'est quand une chouette a attaqué Eleanor Gillespie sur la tête parce qu'elle l'avait prise pour Annie. Oui, ça va pas gagner, d'accord, je vais appeler Lonnie. Il préférera me parler à moi avant de parler... À un poulet ? À un flic. Je veux que tu retrouves mon fils, Hopper. Retrouve-le, s'il te plaît. Quand j'ai décidé de faire une émission sur Stranger Things, je me suis posé la question de la pertinence de faire une émission consacrée à une série qui passe sur Netflix. Parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui n'ont pas Netflix. Mais en même temps, il y a énormément d'émissions de promo où on parle de livres que les gens n'ont pas forcément achetés ou de pièces de théâtre qui ne passent pas dans la ville où vivent les auditeurs. Donc finalement, Stranger Things, on peut en parler. Mais ne vous inquiétez pas, je sais aussi qu'il y a énormément de fans de cette série qui sont en train de se dire, oh là là, pourvu qu'ils ne divulguent pas la saison 2 ou la saison 3. On ne parlera pas de la saison 3. La saison 2, j'imagine que si vous êtes femme, vous l'avez déjà vue, mais la saison 3, on n'en parlera pas. Et justement, Stranger Things, j'ai envie de poser la question à Marie Turcan, c'est quoi ? c'est hyper facile. C'est une série qui a été créée et portée par deux frères et frères Duffer, qui a été commandée par Netflix, donc c'est une série Netflix originale, ça veut dire que Netflix en a tous les droits et ne se prive pas pour la mettre en avant. Vous dites que c'est une série peut-être pas très regardée, potentiellement pas encore regardé ou pas assez ou parce que c'est sur Netflix, mais en fait faut savoir en France on a 5 millions d'abonnés à Netflix aujourd'hui et surtout la Netflix vient de sortir les premiers chiffres, donc c'est sorti il y a 4 jours. C'est énorme. On est sur 47 millions de vues, de comptes qui ont vu au moins un épisode de la série et 18 millions en 4 jours qui ont fini la série, donc c'est 8 épisodes de 50 minutes. Donc on voit, évidemment ils ont été hyper malins, ils l'ont sorti le 4 juillet jour de l'indépendance aux États-Unis, donc tout le monde dans le jour férié et c'est ultra malin parce que ils ont sorti rien d'autre au même moment, ils ont mis ça sur leur home, et donc la force de Netflix c'est ça, c'est vraiment de pouvoir sortir leur gros blockbuster, pour moi c'est déjà un blockbuster, un gros mastodonte, et de pouvoir toucher 20 millions de personnes et de pouvoir leur accaparer 16 heures de leur vie pendant un week-end. Et alors ça parle de quoi cette série ? Captain Popcorn. Alors de quoi ça parle ? Déjà ça met des enfants au cœur de l'histoire. Et les frères Duffer, ils ont proposé leur histoire à pas mal de monde avant que ce soit récupéré par une boîte avec Shawn Levy, un mec qui ferait aussi la réalisation sur certains épisodes. Et après, Netflix a dit « Mais oui, mais carrément !» Parce que les autres voulaient leur faire changer, justement, faire en sorte que ce ne soient pas des enfants au cœur de l'histoire, ou alors en faire une série pour enfants, ce qu'elle n'est pas, puisqu'on voit que c'est 16 ans et plus, hein, d'après les classifications de Netflix, en tout cas. Et ça va être les aventures d'une bande de potes, un peu des geeks, des nerds, comme ils disaient plus à l'époque, mais ils ont traduit ça comme « naze » en français, d'ailleurs. d'ailleurs, ça c'est rigolo. Bande de nazes. Et du coup, voilà, ils jouent à Donjons et Dragons dans le sous-sol d'un d'entre eux. Et puis, dans la première saison, il va se passer un truc fou. L'un d'entre eux va disparaître et les autres vont partir à sa recherche. Et il y a une grosse part de fantastique là-dedans. Voilà. Et alors, ça se passe dans une petite ville fictive des États-Unis, Hawkins, avec vraiment tous les clichés qu'on peut attendre des petites villes américaines, avec le shérif un petit peu bien portant, amateur de junk food. Et puis les enfants sont à vélo. Les enfants sont à vélo. Tout le monde se connaît. On a les évidemment tout ce qu'il y a trait aux années 80 également. Enfin, tous les manières de communiquer n'étaient pas ce qu'elles sont. Tout le monde se retrouve aux mêmes endroits, l'école les sacrés. Après, dans la saison 3, on va avoir un grand supermarché où se passent beaucoup de scènes. Donc évidemment, en fait, on a quand même les codes qu'on retrouve qui sont assez classiques. Quand on dit c'est des nazes, enfin c'est des geeks, c'est des nerds, en fait, la majorité des productions, que ce soit des films ou des séries, sont basées sur des outsiders, sur des marginaux à part, des jeunes auxquels on peut s'identifier, en fait, parce que finalement, le grand public est majoritairement toujours en train de se dire ah mais moi j'étais pas comme ça, j'étais pas populaire, on se moquait de moi, mais en fait on était une majorité de gens pas populaires, et c'est finalement une ficelle assez classique, et c'est un peu ça la beauté de Stranger Things, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose en réinventant quasiment rien. Et pourtant, en séduisant énormément de gens. Et Dedo, on puise clairement dans un imaginaire ou un passif cinéphile très très fort. C'est-à-dire, j'ai cité les Goonies, mais également Stand By Me. Il y a tout ce cinéma-là est convoqué dans Stranger Things. On puise dans tout ce qui a fait la force des années 80 dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire entre autres les productions Amblin. Donc forcément, on retrouve tous ces archétypes, la banlieue américaine, les vélos, ces petits groupes. Donc oui, on va puiser là-dedans, et la série ne s'en cache pas au départ. Je pense qu'elle joue sur cette nostalgie-là, ce qui fait qu'il y a eu cet attrait assez très présent dès la première saison. Après, on en reparlera peut-être plus en détail. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure justement des saisons qui se déroulent, les frères Duffer ont pris conscience de leur bébé, et pour moi ça perd de la puissance à partir du moment où on commence à faire plus du fanservice et on est moins dans la sincérité par rapport à ce qu'était cette période. On va continuer de parler de Stranger Things avec la journaliste et rédactrice en chef de Numérama, Marie Turcan, le vidéaste et youtubeur Captain Popcorn et l'humoriste Dedo, mais pour le moment on va écouter Eminem et Rihanna avec Monster. I'm friends with the monster, the son of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the but I had this vision. 1K that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's. Blood gets spilled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump I will spin. Rumpel still skin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along. C'était Monster de Rihanna et Eminem dans Blockbuster sur France Inter. Bienvenue chez les Barjots. Elle parle, c'est déjà ça. Elle a juste dit oui ou non. Ta sœur de 3 ans parle mieux qu'elle. Elle a voulu se déshabiller. Il y a un truc qui tourne pas rond chez elle. Du genre pas net dans sa tête. Elle a fait comme ça. Pour moi, elle s'est échappée de Penner. C'est quoi ça? La maison de fous dans le comté de Curley. T'as de la famille là-bas? Me provoque pas. Sans rire, si on y réfléchit bien, ça expliquerait pourquoi elle est rasée et pourquoi elle a l'air aussi dingue. Et pourquoi elle a fait comme ça? Elle a fugué, ça fait pas de doute. Elle a sûrement une case en comme moins. Michael Myers. Carrément. On n'aurait jamais dû l'amener ici. T'aurais préféré la laisser en plan sous l'orage? Au départ, on était parti chercher Will. On voulait pas d'un autre problème. On parle à ta mère. Je suis d'accord. C'est qui les tarés dans l'histoire? C'est nous que tu traites de tarés. On n'avait pas le droit de sortir ce soir, tu te rappelles pas? Et alors? Alors si j'en parle à ma mère, qu'elle en parle à ta mère et après à ta mère... Oh merde! Chez nous, ça se transformera en Alcatraz. Ouais, c'est clair. Et on retrouvera jamais Will. C'est simple. Voilà le plan. Elle va passer la nuit quoi, ici. Quoi? Tu vas laisser Attends, une fille? Écoutez. Demain matin, elle sortira discrètement de la maison, elle ira à la porte d'entrée et elle sonnera. Ma mère ira ouvrir et saura quoi faire. Elle la renverra à Penner's ou bien là d'où elle vient. Après, on sera tranquille. Et demain soir, on pourra à nouveau sortir. Et là, pas d'obstacle. Cette fois, on retrouvera Will. À l'occasion de la diffusion de la 3e saison de Stranger Things sur Netflix, je suis allé vendredi dernier à la rencontre de 3 des acteurs de cette série, Natalia Dyer, Finn Wolfhard et Joe Keery, qui jouent respectivement Nancy, Mike et Steve. On les écoute. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe de Stranger Things pour la 3e saison. Je suis ravi d'être avec vous. Oh, thank you so much. J'ai quelques questions pour vous. Dans des films tels que Les Goonies ou Stranger Things, on montre des enfants qui jouissent d'une énorme liberté. Est-ce que vous pensez que les enfants avaient plus de liberté dans les années 80 que de nos jours? I would argue that, I mean, yes, in a sense, I think there is a little more physical freedom, oui, but I do think there's something about. Je dirais que d'un certain point de vue, il y a plus de liberté physique. Mais aujourd'hui, on a plus de liberté sur Internet, et c'est difficile pour les parents de suivre ce que font les enfants. Quand ma mère me parle de son enfance et de son adolescence, elle me dit qu'en fait, il y avait un sentiment de confiance, il n'y avait pas de problème de sécurité. Oui, en fait, on pouvait partir et dire « Oh, je m'en vais, je reviens à 8h du soir ». Aujourd'hui, c'est différent. Quand je reviens à 8h du soir, ma mère me dit « Oui, mais je veux savoir où tu es ». Oui, il faut être constamment en contact. C'est parce que ça existe, on peut envoyer des messages tout le temps. C'est un peu comme dans le domaine du travail. Les gens regardent leurs mails sans arrêt. You can. Parce que c'est possible. Il n'y a pas moyen de faire une pause. Donc en fait, cette liberté qu'on avait l'impression d'avoir dans les années 80, c'est uniquement parce que, en fait, on n'avait pas la possibilité de communiquer avec les enfants. Oui, c'est ça la différence, c'est la technologie. Si on prenait des gens d'aujourd'hui pour les mettre à cette époque, ce sera la même chose. La seule différence, c'est la technologie qui a tout changé. Les personnages féminins dans Stranger Things sont souvent très très forts, très bien écrits et beaucoup plus qu'ils ne l'étaient dans les films d'horreur des années 80. Yeah, I mean, I do think a lot of the movies from the 80s. Dans pas mal de films des années 80 que j'ai vus, I mean, women care. I mean, a lot, just les personnages féminins ou pas d'ailleurs étaient des personnages sans grand intérêt. You know, they're kind of stock characters. On a l'impression que c'est artificiel. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Ils sont là pour meubler. Ça existe encore dans le cinéma d'aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime chez les frères Duffer. L'essence de ces films, mais aussi il y a toujours l'essence de ces films, mais tous les personnages sont bien plus réels et bien plus en prise avec la réalité. Oui, je suis tout à fait d'accord. On prend un format que les gens adorent et on actualise la façon dont c'est raconté. On le met au goût du jour et je pense que c'est ce que voient les gens au premier coup d'œil. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne pourrait plus faire sans s'attirer les foudres. Comme tirer sur les sous-vêtements de quelqu'un, comme dans le film Les 16 bougies. On ne peut plus montrer ça maintenant, ce ne serait plus du tout cool. Je ne sais pas si ça a été cool un jour. Mais maintenant, on sait. Si vous deviez choisir de jouer dans un film d'horreur des années 80, ça serait lequel? Oh man, good question. Très bonne question. Kurt Russell's The Thing, yeah. That movie's amazing. The Thing, yeah, le rôle de Kurt Russell, ce film est dingue. The Thing would be amazing, or The Thing, ça aurait été dingue. Jaws is great. Mais dans la mer, c'est génial. Richard Dreyfuss. Oh, yeah. Tu pourrais jouer le rôle de Richard Dreyfuss. Non, moi je ferais bien un bon Quint. Or go into the water. Yes. Yeah, Jaws would be good. Ouais, les dents de la mer, je dirais. What about the I can't think of à vrai dire, like, il ne me vient rien d'autre à l'esprit. Bon, il y a Vendredi 13. I don't know, they sound like so much. Dans ces films, ils passent leur temps à crier et à courir. Maybe Alien. Peut-être Alien. Alien. You'd be great Alien. Oui, Alien, ça déchire. Yes. I'll say, oh, then I'll correct my answer to Aliens. Alien, le deuxième. Yeah. Game over, man. Game over, man. Game over. Yeah. Aliens. Aliens. Ok. Vous êtes trop jeune pour avoir connu les années 80. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette époque? Oh man, I mean, there's so much that's awesome about it. You know, a lot of amazing. C'était une période qui avait l'air géniale. Il y avait plein de films super qui remontent à cette époque. Il y a plein de trucs. Moi, j'adore le look, l'esthétique. Everything about it. Yeah, it's really cool. Yeah, I would say kind moi, je dirais que, pour revenir à la technologie, dans les années 80, il y avait une sorte d'innocence, de mystère. Sans Google, le téléphone portable, sans le GPS, vous voyez. On dirait que dans les années 80, les gens avaient les pieds sur terre. Ils étaient en prise avec la réalité. Et puis, il y avait ce sens de l'aventure. Voilà, on a tout dit, là. Vous pensez qu'on sait trop de choses désormais? Qu'on a un petit peu perdu ce sens du mystère? Oui, aujourd'hui, on a un accès illimité à l'information. 24 heures sur 24, nous sommes insatiables. Yeah, I think we want to know things, but there's c'est vrai so qu'on veut savoir des choses, mais that. En même temps, on bourre notre cerveau d'informations qui ne sont pas forcément indispensables. And I think, you know, talking about my age group, I think a lot of the kids in my age group are so desensitized, les you know. Les gens de ma génération sont désensibilisés. Ils vont dire, mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est ça, ils sont désensibilisés. It's like back in the day, you had to like memorize things. À l'époque, il fallait se souvenir des choses. Il fallait être un puits de connaissances. Alors qu'aujourd'hui, on n'a rien besoin de savoir. On les prend les informations sur Internet et ensuite on les recrache. C'est triste. So depressing. It sucks. Je suis d'accord, c'est un petit peu, ça fait un petit peu de la peine. Je vous remercie, merci beaucoup. Thank you so merci, much. Merci à vous. Mornings are for coffee and contemplation. She's coffee and contemplation. On va continuer de parler de Stranger Things après Nadia de Nelson Beer. Cette émission est réalisée par Céline Ella, à la programmation musicale Muriel Pérez. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission. Et à la technique aujourd'hui, Jérémy Guillon et Anne-Laure Cochet. C'était Nadia de Nelson Beer. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. Ferme la porte. Où est ma crédit? J'ai coupé le câble de guidage. Tu as coupé la corde? Oh oui, on est monté jusqu'à sa baraque. Et j'ai trouvé ça. Oh, regardez! Je l'ai trouvé au fond de son poêle à mazout. Je l'ai piqué en douce et je suis sûr que MacReady ne m'a pas vu faire. Et en partant, j'ai pris de l'avance sur lui. Et quand je suis trouvé assez loin, j'ai coupé le câble. Un MacReady? Oui, c'est une de ces choses. Mais quand aurait-il été contaminé? Je ne sais pas. N'importe quand et n'importe où. En admettant que la chose l'ait eue. Oh, tu déconnes, c'est évident. C'était l'occasion rêvée pour la chose, bien sûr. Bien sûr, ça donne à réfléchir. Windows, où étais-tu à ce moment-là? Tu me fais chier. Où est-ce que ça suffit? Mais arrêtez. Mais c'est exactement ce que veut la chose. Nous monter les uns contre les autres. Personne ne sait ce que la chose veut. Non mais écoutez-la. Oui. La chose. The Thing, c'était un extrait de The Thing de John Carpenter avec l'incroyable Kurt Russell. Alors nous sommes toujours avec la journaliste et rédactrice en chef de Numérama, Marie Turcan, le vidéaste et youtubeur Captain Popcorn et l'humoriste Dedo pour parler de Stranger Things. Et Stranger Things, qui s'inspire énormément du fantastique et de la science-fiction des années 80. Dedo, cette période était quand même, c'était un peu l'âge d'or du cinéma de SF. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est même un peu avant Spielberg qui a quelque part donné ses lettres de noblesse au genre avec Jaws et même avant avec Duel, qui était déjà quelque part. Jaws, c'est les dents de la mer. Les dents de la mer, oui, pardon. Et Duel, qui était une sorte de course-poursuite avec un camion, mais le camion était déjà une sorte de monstre incarné. Vous voyez jamais le chauffeur. Non, non, non. Et d'ailleurs, quand il chute, on entend une sorte de cri, un cri assez monstrueux. Et donc, oui, dans les années 80, ensuite, il y a eu Carpenter, il y a eu Romero, il y a eu toute cette génération un peu, pour ceux qui ont connu les VHS Popcorn, tout ce qu'on a pu bouffer avec Joe Dante, et aussi Richard Donner, dont on ne parle pas assez en général dans, oui, cette grosse période d'équipe des années 80. Donner a donné énormément au genre. Bah, Donner a fait Superman. Donner a fait Les Armes Fatales, qui ont été aussi un très gros pan des années 80. Il a fait The Omen, La Malédiction, qui est un très gros film de genre aussi. Donc c'était, les années 80, une période assez dense et touffue, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses, de qualité en général. Et donc on sent aussi que cette nostalgie-là, comme je disais tout à l'heure, est exploité, je dis bien exploité un petit peu par rapport à Stranger Things. Donc on recycle et on recycle plus ou moins bien. C'est-à-dire que pour moi, dans la première saison, justement, c'était fait avec une vraie sincérité et ils n'étaient pas encore conscients qu'ils étaient en train de fabriquer du culte. Ils commencent à le faire, les frères Duffer, dans la 2 et la 3 un peu plus. Donc dans la 1, on se retrouve dans des chaussons. On est bien, on est à l'aise quand on a aimé cette période. Et puis c'est un peu les mêmes chaussons dans la 2 et la 3. Donc on commence à sentir des pieds, là, je trouve. Bah justement, cette nostalgie, elle est un petit peu dénoncée par certaines personnes parce qu'il y a eu Stranger Things, est une des séries locomotives de Netflix. Cependant, toutes les saisons n'ont pas forcément eu le même accueil. Et c'est la séquence J'aime pas. J'aime pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très présomptueux dans cette série de s'auto-référencer en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, la série se fait elle-même objet culte. Et du coup, c'est bon, on peut repasser par-dessus, refaire la même chose, puisque de toute façon, l'intérêt, c'est de retrouver des choses familières qui étaient déjà familières par ailleurs. Alors là, pour Stranger Things, là, il n'y a rien, rien nous explique l'hystérie totale de Winona Ryder, le frère aîné qui pourrait être un personnage intéressant, ben, on ne sait pas pourquoi il est comme il est. Enfin, c'est valable pour chacun des personnages, on ne comprend pas pourquoi ils sont comme ils sont, pourquoi ils agissent comme ils agissent. J'ai un problème à peu près partout, c'est-à-dire que le récit, en effet, ce monde à l'envers, cet upside down, c'était une dimension autre. Finalement, en fait, c'est juste un souterrain sous la ville de Hawkins. Il y a un petit problème de scénario de ce point de vue-là. Moi, il y a vraiment des moments où je faisais pause, je me disais, mais je comprends plus rien. L'impression que j'ai, c'est que finalement, la première saison était un succès, mais totalement inattendu, et que cette saison-là regarde beaucoup son succès, en fait, et que les personnages sont quand même surhabillés. Effectivement, quand Millie Bobby Brown change de vêtements, on est dans la caricature totale. Non. Si on ne connaît pas les années 80, ça n'a aucun intérêt, je pense, vraiment. Et on voit bien que personne, à part dans les magazines, ne s'habillait comme ça à l'époque. Alors vraiment, moi, vraiment, non, ça ne m'intéresse pas, puis j'ai vraiment un problème avec le jeu des acteurs. Je ne les trouve pas crédibles une seconde, j'ai même un problème énorme avec Winona Ryder, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Winona Ryder, c'est une super actrice, je ne sais pas pourquoi non plus. Et là, vraiment, je la trouve mauvaise. Alors est-ce que le personnage est mal écrit? Je ne sais pas, mais ça me gêne vraiment de la regarder jouer. Donc non. Stranger Things, là, vraiment, je n'ai pas accroché. J'aurais arrêté si j'avais pas fait l'émission ce soir. J'aime pas. On vient d'entendre Lucille Comeau qui s'exprimait dans l'émission La Dispute sur France Culture. Alors, on voit qu'on reproche beaucoup à Stranger Things d'accumuler des clins d'œil aux années 80, mais et d'être finalement une sorte de catalogue, de référence. C'est quand même un petit peu comme si on se promenait dans un vidéoclub des années 80, mais sans jamais aller au fond des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Captain Popcorn? Alors, bah, il y avait pas mal de vitriol, là, quand même. Après, voilà, quoi. C'est très subjectif, tout ça. Mais pour moi, c'était la première saison reste une grosse claque. J'ai complètement pris mon pied en regardant la première saison de Stranger Things. Ma copine, coucou, qui m'écoute. On a vraiment kiffé ce truc-là. On pouvait pas s'arrêter. Le binge-watching a fonctionné à mort. Alors je rappelle le principe du binge-watching, c'est quand on enchaîne tous les épisodes pour les regarder à la suite sans discontinuer. Exactement. Une des grosses marques de fabrique de Netflix qui ont un peu imposé ça, même si de base je suis pas trop pour ça, mais là, en tout cas, ça avait bien marché sur moi. Après, oui, c'est une accumulation de références, mais ils choisissent les bonnes déjà. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis ça va un peu plus loin. Moi, j'ai trouvé notamment, enfin, j'ai beaucoup aimé la deuxième saison. J'ai un peu plus de réserve sur la troisième. Effectivement, il y a un peu d'autoréférence quelquefois. Ils pourraient plus développer leur propre mythologie avec l'Upside Down généralement, et ce qu'on peut notamment reprocher, je l'Upside pense. L'Upside Down étant en fait une sorte de monde parallèle, parce que on est passé rapidement sur l'histoire de Stranger Things, mais en fait c'est ce groupe de garçons, il y en a un d'entre eux qui disparaît qui a été enlevé. Et on découvre au fur et à mesure qu'il y a une histoire de labo tenu par la CIA et des agents du gouvernement qui ont ouvert une sorte de porte vers une autre dimension et qui correspond au nôtre, mais où tout est inversé. Et à l'intérieur de cette dimension, il y a des créatures et notamment une créature en chef absolument terrifiante et qui a des ambitions très précises pour notre dimension à nous. Donc en fait, ce groupe de d'enfants, au bout d'un moment, découvre presque plus d'informations que les adultes qui habitent Hawkins. Et ce monde-là, on l'appelle le Upside Down. Ouais, c'est carrément le principe. De toute façon, les enfants sont forcément meilleurs que les adultes dans ce genre d'ambiance à la Goonies, etc. Donc c'est eux qui mènent l'enquête, c'est eux qui sont au centre. C'est ça qui fait un peu tout l'intérêt du truc. Même si Jim Hopper, le shérif, est un personnage pour moi hyper sympa, hyper intéressant. Joué par David Harbour. Exactement. Qu'on a retrouvé vraiment dans le très oubliable Hellboy dernièrement. Bah, de toute façon, il a beaucoup percé grâce à la première saison de Stranger Things. Après, il a eu pas mal de propositions. Tu parlais de la CIA, tout ça, tous ces aspects aussi très typiques de ce genre de film. Et c'est assez amusant effrayant plus de savoir aussi que Stranger Things ça s'inspire du projet MK Ultra que la CIA a vraiment mené de 1953-73. En théorie, officiellement ils ont arrêté, mais certains disent que pas vraiment, et qui consistait à tester souvent contre leur gré sur des gens toutes sortes d'effets, notamment du LSD et autres substances, pour voir s'il était possible de faire craquer des espions, pour tester tout genre pour manipuler mentalement les gens. Et il faut savoir quand même, on l'a pas dit non plus, mais dans Stranger Things, un élément essentiel, hein, c'est quand même le personnage joué par Millie Bobby Brown, c'est Eleven. Eleven, 11 en français. Ouais. Une petite fille qui a des pouvoirs psychiques, notamment de télékinésie, de faire déplacer les objets à distance. Et on peut dire qu'elle joue un peu le rôle d'E.T. aussi dans la première saison, oui. C'est assez rigolo. Et, d'ailleurs, cette petite fille qui est l'objet d'expérience du gouvernement, c'est un modèle qu'on retrouve dans énormément de culture de genre. Dans les X-Men, on retrouve, c'est comme ça que Wolverine, Serval, est créé par le gouvernement, le département H du gouvernement canadien. On retrouve ça aussi avec son clone X-23. Les enfants qui manipulent les gens, on retrouve ça aussi dans Body Snatcher. Enfin, ça c'est les adultes, mais ou le village des damnés, où il y a des enfants comme ça avec des pouvoirs psychiques, ou même dans Akira, ouais. Le manga de Katsuhiro Otomo, sur lequel on va faire un blockbuster bientôt. C'est quelque chose qui revient assez souvent en fait, ce côté enfant mutant avec des super pouvoirs. Mais oui, et en fait c'est vraiment, c'est toute la force de Stranger Things, c'est d'avoir repris des choses qu'on a déjà vues partout, sauf que ils ont cette intelligence de montage c'est épileptique hein, à ce niveau-là. Tout a été cadré pour être un produit, et ça, du coup, ça rend pas honneur à la série, mais c'est devenu un produit de consommation parce que il y a la bande annonce, enfin la bande originale qui est vraiment très forte en permanence du son, quasiment jamais de moment de silence. Tout est filmé en très gros plan parce qu'il faut pouvoir être visionnable sur smartphone. Il y a toute une nouvelle réalisation qui, ils l'ont dit, ça, les frères Duffer, les réalisateurs, ont fait l'effort de filmer beaucoup plus de gros plans parce qu'ils savent comment les gens vont regarder leur série. C'est plus du tout les mêmes manières de consommer, et donc en fait on a les mêmes ressorts narratifs, et franchement parfois on s'ennuie fortement parce que bon, des ados s'embrassent, incroyable, mais ils arrivent à le mettre dans un paquet qui est tellement bien formaté pour aujourd'hui la manière dont on consomme des séries que ça fonctionne, et même si sur le fond tout ce que ces gens disent à la dispute, sur la forme ça va continuer d'exploser, tout simplement parce que c'est vraiment la manière, c'est vraiment ce que les gens ont envie de regarder aujourd'hui. Et ce que l'actrice disait pendant votre interview sur Natalia, le fait d'ailleurs, ouais, sur le fait que aujourd'hui on comprend plus les enfants sont vraiment différents. Pour moi, Stranger Things, ça plaît aussi parce que c'est des enfants qu'on comprend, parce que c'est des enfants qu'on nous montre qui ont pas de téléphone, ils sont simples entre guillemets à comprendre. Et je pense que il y a ce côté tout à fait rassurant pour les adultes aussi, de se dire au moins là je maîtrise. C'est pas les séries d'aujourd'hui où les ados font n'importe quoi, c'est incroyable, je sais plus comment ils sont éduqués. Là on les comprend et c'est ça qui rassure. Hey, petit, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colo spéciale pour les enfants trop gros. Et alors, un jour, au déjeuner, j'ai craqué et je me suis goinfré et ils m'ont foutu à la porte. Mais le but trucs que j'ai jamais fait. J'ai fait une bouteille de faux vomi chez moi. Et je suis allée au cinéma de mon quartier. J'avais la bouteille sous mon sweatshirt. Je suis montée m'asseoir au balcon. Et alors j'ai fait un bruit dégueulasse. Et j'ai vidé la bouteille de dégueulis. Je l'ai jetée par-dessus bord sur la salle. Et alors, ça a été vraiment horrible. Tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres. De toute ma vie, j'ai jamais autant regretté ce que j'avais fait. Mais il commence à me plaire, ce gosse, moi. Appuie sur purée. Non, je suis trop jeune. Oh. Non, je veux jouer du violon. C'était un extrait des Goonies de Richard Donner avec l'inénarrable Choco, voilà, à qui on a demandé de tout avouer et qui avoue absolument tout. Si j'ai voulu mettre cet extrait, c'est parce qu'en fait ça représente aussi l'esprit dont s'inspire Stranger Things, c'est-à-dire cet esprit de l'enfance face à l'aventure, face aux horreurs, parce que comme vous l'avez dit, Captain Popcorn, ça n'est pas une série destinée aux enfants, mais par contre on a besoin d'avoir des enfants pour avoir une sorte de regard frais et neutre sur l'horreur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable dans le film de SF ou de le film dans le cinéma d'horreur d'avoir ce regard de l'enfance? On le retrouve dans plein de films, Poltergeist, etc. Dedo, vous avez un avis là-dessus? C'est important parce que du coup l'enfance c'est le moment où on est le plus fragile et le plus apte à être complètement terrassé par la peur. Donc oui, ça joue un peu plus et ça s'est senti chez Stephen King par exemple, dans Stand By Me. Mais ça a été déjà... avant Stranger Things, un peu, pour le coup, pas forcément récupéré, parce que je trouve que ça a été fait avec la bonne manière de distiller le côté 80s. Par exemple, dans Super 8 de J.J. Abrams. Tout à fait. Qui a bien retranscrit cet esprit de groupe d'enfants qui sont eux aussi face à une menace, alors là, qui est un peu plus de type extraterrestre. Mais par exemple aussi dans un film qui s'appelle, un peu plus récent, qui s'appelle It Follows, de David Robert Mitchell, où là, c'est un peu plus marqué sur l'adolescence et on est à nouveau face à une menace qui est inconnue et... Donc voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans l'enfance et l'adolescence forcément, et c'est quelque chose qui nous parle à tous, parce que l'adolescence, pour nombreux d'entre nous, a été une période assez marquante de notre vie, pour le meilleur et pour le pire. Et alors, dans ce cinéma de science-fiction et fantastique des années 80, il y a aussi une dimension politique que je trouve assez absente dans Stranger Things, parce que ce cinéma, mine de rien, sous prétexte de présenter des menaces venant d'ailleurs, des extraterrestres, des démons, il y avait aussi une envie de dénoncer une certaine idée de la société américaine de l'époque, de la politique de l'époque, et c'est quelque chose. J'ai l'impression qu'on, dans Stranger Things, on a récupéré la forme, mais pas forcément ce fond très très politique. Qu'en pensez-vous, Corrie Turcan? À l'époque, il y avait quand même beaucoup de films de cette époque où les monstres incarnaient les communistes. C'était la fin de la guerre froide, le fait qu'on les États-Unis l'ont emporté techniquement. Et là, ce qui est marrant, c'est que dans la saison 3, les méchants, c'est les Russes. Donc du coup, ils sont un peu dans quelque chose là, de... Je vais me faire pourrir. Mais non, c'est les 10 premiers minutes de la saison 1 et de l'épisode 1. Mais déjà, rien que si jamais on dit, vous avez montré une image. C'est incroyable. allez vous en prendre à Frédéric Seguier sur Twitter, pas à moi, s'il vous plaît. Après, moi, je trouve qu'on peut justement regarder Stranger Things quand on a un petit peu de conscience des dérives consuméristes du capitalisme, de aujourd'hui où en sont les États-Unis qui ont vaincu contre les Russes à l'époque grâce au capitalisme et aujourd'hui voilà ce que ça leur apporte. On peut voir la saison 2 et la saison 3 de Stranger Things comme une espèce de dystopie où on dit, bon, voilà, eux, ils essayent de réécrire un petit peu le passé et de se dire comment est-ce qu'on aurait pu gagner différemment. Et là, on est dans un, on essaie de se réconforter un petit peu en se disant, vous vous souvenez quand on avait gagné, c'était super, on consommait vachement, c'est vraiment génial, mais aujourd'hui, ça nous a mené quelque part où on n'est pas forcément mieux maintenant. Donc moi, j'apprécie pas vraiment la série Stranger Things et je trouve que j'aime beaucoup la regarder pour ça, parce que j'essaie de lui trouver un autre sens et j'aime à penser qu'il y a quand même un peu une espèce de fable et quelque chose quelqu'un qui vient derrière votre oreille en disant franchement on a peut-être un peu merdé quelque part. C'est-à-dire un regard sur les années 80 mais en ayant conscience des effets pervers que cette société de consommation. Quand on voit l'abondance de références de pop culture et surtout comme disait Dedo, l'ultra référencement et le fan service, rendre service aux fans, il y a un moment où on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont pas juste en train de nous montrer ce qu'il faut pas faire? Captain Popcorn, un avis? Moi, j'aime aussi les séries au premier degré. Hein, voilà. Donc, voilà. Quelquefois, j'aimerais regarder une série et me dire, ouais, j'espère que Will va s'en sortir. sans me demander, ouais, est-ce qu'il y a un message derrière le démon Gorgon, quoi? Est-ce que c'est un Ruskov, le démon Gorgon? Je ne sais pas. Bon, après, ceci dit, il y a une grosse caricature en saison 3 sur les Russes. Effectivement, ça m'a un peu gêné, mais ça fait partie. Bon, il y aurait pu y avoir plus de distanciation parce qu'on n'est plus dans les années 80, malgré tout. C'est vrai que le côté les Russes mis en avant, après, ils reprennent par exemple Red Dawn, un film des années 80, qui est une petite ville attaquée par les Russes, etc. Donc ça fait un peu plaisir, mais c'est légèrement regrettable, on va dire, sur la caricature. Mais moi j'ai passé un bon moment sur le. Oui, vous, c'est vraiment juste le plaisir d'une bonne histoire qu'on suit comme ça, avec des rebondissements et sans aller vers la portée politique ou le décryptage qu'on peut en faire. Ou quelquefois, j'ai carrément cette vision-là des choses, mais effectivement, eux, je suis d'accord sur le fait qu'ils poussent pas assez loin. Je pense que tu leur rendes trop. Enfin, t'es très critique avec la série, Marie, mais est-ce qu'il faut montrer ce qu'il faudrait pas faire et tout. Bah, il y a une critique sociale quand même des années 80, t'as certaines choses qui sont mises en avant, mais. C'est léger, hein. Bon, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, on écoute Billie Eilish avec Bad Guy. C'était Bad Guy de Billie Eilish et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Bastien au téléphone. Bonjour Bastien. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ça va et vous ? Eh bien, très très bien. Alors, racontez-nous un petit peu rapidement votre rapport à Stranger Things. C'est la série qui m'a poussé à dépenser 11 euros par mois. Voilà, j'ai découvert Netflix à travers Stranger Things. Et c'est la série qui est pour moi un petit bonbon d'enfance. Tu me rappelles les Goonies, et tout ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord, ok. Alors, vous connaissez le principe du jeu ? Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Ok. C'est parti. Quel autre titre avait été imaginé pour la série Stranger Things ? Réponse A, Demogorgon. Réponse B, Montauk. Ou réponse C, Hawkins. Réponse B, Montauk. Bonne réponse ! Effectivement, le nom envisagé, c'était Montauk, au moment où la série devait se dérouler dans la ville du même nom, jusqu'à ce qu'on décide de changer de lieu, tourner dans une ville d'ores et déjà existante, coûte très cher en droit. Alors ils ont inventé une ville, Hawkins, et en ont profité pour trouver un meilleur nom pour la série. Tout à fait. Question suivante. Cette fois-ci, vous allez devoir deviner si cette anecdote est vraie ou fausse. Pour vendre leur projet, les frères Ross et Matt Duffer ont présenté une fausse bande-annonce avec des extraits d'une vingtaine de films des années 80. Vrai ou faux ? Je crois que c'est vrai. Eh ben écoutez, on peut décidément rien vous cacher. Effectivement, c'est une bonne réponse. Ils ont notamment utilisé des extraits des films cultes de ces années-là, comme E.T., Les Griffes de la Nuit, Halloween, etc. Bon, dernière question. Maintenant, on va vous faire écouter un extrait de Stranger Things en VO. Écoutez. Okay. Man, seriously, you're gonna be so cool now. It's ridiculous. No, I'm not. You better still hang out with me. That's all I'm saying. Alors, qui est en train de parler avec Nancy dans cet extrait ? Pas super bien entendu. Alors, je vous donne un indice. C'est une amie. De Nancy, une amie. Barbara. Eh ben voilà. En même temps, elle en avait pas des tonnes dans cette série. Donc c'était très facile. Voilà le personnage de Barbara Holland, la meilleure amie de Nancy, qui disparaît mystérieusement en plein milieu de la première saison. Et un événement qui avait d'ailleurs fait se déchaîner les fans parce que on n'avait pas traité sa disparition. Et dans la deuxième saison, ça a été traité. Voilà. Eh ben écoutez, je crois que vous avez gagné, Bastien. Eh ben merci. Vous avez gagné 2 romans tirés de Stranger Things, Suspicious Minds et Darkness of the Age of a Town. Ce sont 2 préquels de la série parus aux éditions Lumen. Eh ben super, merci et bonne continuation. Merci pour vos podcasts. Eh ben on est ravis. Merci à vous de nous écouter, hein. C'est votre émission à vous aussi. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, ben on touche à la fin de cette émission. Oh non. Bah si, ça passe toujours très vite. Alors je tiens à vous remercier tous et toutes, Marie Turcan, Captain Popcorn, merci. Dedo, merci d'avoir évoqué Stranger Things et cet esprit du fantastique et de l'ASF des années 80. J'aimerais juste conclure en 2 secondes, si jamais vous aimez cette période, regardez Donnie Darko de Richard Kelly, qui est un excellent film qui parle de cette période, entre autres bien évidemment, et essayez aussi Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui a aussi fait It Follows, qui parle de nostalgie de cette période-là dans un Los Angeles un peu paumé de tout. Avec ça Andrew Garfield, oui, qui est très bon dedans. Excellent. Et pour Denis Darko, le formidable Jake Gyllenhaal. Voilà, dans son premier rôle même, je crois bien. Et voilà, qui est un film très touchant, un peu lynchien, très bon. Bon, qui a peut-être Popcorn une recommandation. Vous pouvez lire aussi du Stephen King, puisque c'est une grosse influence de Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Notamment dans la police du titre, c'est Needful Things. Ils ont repris la police. Ah, c'est vrai, tiens. Marie Turcan, on valide ? Oui, on valide. Ok. Alors, comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Stranger Things, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag Blockbuster FI. On se retrouve demain pour parler d'espionnage, de guerre froide et de PlayStation. Demain, on parle de Metal Gear Solid. I am not gonna stop looking for him until I find him and bring him home. I am going to bring him home.